Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Leni Riefenstahl, la cinéaste d'Hitler. Le film de Leni Riefenstahl reste, au niveau visuel, le grand film d'invention. Ils ont creusé des tranchées à côté des seaux à la perche. C'est bien étonnant, je veux dire, on peut pas refaire ça de nos jours, en plus des plans en ballon. En plus de ça, des plans avec des caméras montées sur des rails. Ils ont vraiment, pas faire de jeu de mots, mis la barre très, très, très haute. Pour le cinéaste Jean-Claude Labrecque, qu'on entend ici à l'émission À l'écran, diffusée en avril 1994, Leni Riefenstahl a inventé tout un pan nouveau du langage filmique en réalisant son film Les dieux du stade lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Leni Riefenstahl est passée à l'histoire comme la cinéaste du Troisième Reich. Elle en a d'ailleurs payé le prix, mais à ce titre, elle nous a quand même laissé deux des films les plus marquants de l'histoire du cinéma au 20e siècle, Les dieux du stade et Le triomphe de la volonté. Mais en 1976, Leni Riefenstahl est venue à Montréal. Alors oui, ce qui était très étonnant, c'est qu'elle essaie toujours d'aller incognito dans les Olympiques. Et moi, je l'ai appris par un personnage de laboratoire de la compagnie Kodak qui me dit « Ah tiens, j'ai développé des films de... Tu connais ça, toi, Leni Riefenstahl? » Puis tu dis « Ben oui, je connais ça, c'est bien sûr, c'est elle qui a fait les Olympiques de 36. » Mais tu te dis « Ah tiens, regardez-les là. » Puis regarde, elle était avec un cousin. Effectivement, c'était Leni Riefenstahl. Alors j'ai pris contact avec elle, puis là on l'a invitée à l'office du film, on l'a invitée à venir voir comment nous on faisait le film. Elle était évidemment gentille, adorable, très présente. C'était fascinant de la voir parce que je me retrouve dans un dîner avec elle et j'essaie de lui faire parler de Goebbels, j'essaie de lui faire parler de Hitler, comment lui, de quelle façon ils avaient réussi à faire ce genre de choses-là. À nouveau, le cinéaste Jean-Claude Labrecque au micro de Francine Laurando à l'émission À l'écran en 1994. Jean-Claude Labrecque qui raconte sa rencontre avec Leni Riefenstahl au moment où il tourne son film documentaire sur les Jeux olympiques de Montréal en 1976 pour nous présenter ce personnage aujourd'hui encore controversé de Leni Riefenstahl. J'accueille le chroniqueur cinéma Georges Privet. Georges Privet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui encore le détour quand on parle de Leni Riefenstahl? Qu'est-ce qui continue dans son œuvre, dans ce qu'elle est, de nous fasciner aujourd'hui encore, Georges Privet? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui la rendent terriblement actuelle. Le fait que sa personne, sa situation soulève toutes sortes de problèmes sur la responsabilité de l'artiste. Est-ce qu'on peut être divorcé des implications politiques d'une œuvre? Et il y a aussi une dimension très, très forte qui est le fait que son histoire incarne vraiment d'une manière presque exemplaire ce que pourrait être un pacte faustien dans la réalité. C'est-à-dire que sa rencontre avec Hitler, c'est la rencontre avec quelqu'un qui, tout d'un coup, va rendre tous ses rêves possibles, qui va déployer tous les moyens qu'évoque Jean-Claude Labrecque dans le premier extrait. C'est-à-dire que pour faire ce qu'elle a fait, ça prenait des moyens considérables. Ouais. Ça prenait une cinéaste qui acceptait d'être au service du Troisième Reich. Voilà. Ces moyens, c'est le diable qui lui offre, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi une force de caractère, un parcours singulier. Cette femme-là, c'est une femme qui va gravir les échelons, qui va être importante dans cet appareil du Troisième Reich. Absolument. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive à s'imposer dans ce qui est clairement un monde d'hommes. À l'époque, ouais. Albert Speer en parle dans ses mémoires. Il était étonné qu'elle arrive à garder, à se tailler une telle place dans un monde où tout le monde essayait de séduire Adolf Hitler et où il y avait très, très peu de femmes. Il était très rare qu'une femme soit admise, même dans cet univers. Mais ça soulève d'autres questions. On va certainement aborder un peu plus loin sur les manières qui lui ont permis, les outils qui lui ont permis cette ascension et de s'imposer de manière aussi forte. Puis autre élément sur ce parcours fascinant, c'est qu'elle va vivre à la fois... Il y a un titre de documentaire réalisé par Harry Muller. Il va faire quelques films au sujet de Leni Riefenstahl. Et le titre anglais d'un de ses documentaires, c'est à peu près Leni Riefenstahl, une vie merveilleuse et une vie horrible. Mais c'est vrai que c'est les deux à la fois. Absolument, parce qu'elle a été idolâtrée, elle a fait l'objet d'une célébrité, mais elle a fait aussi l'objet d'une infamie, puis d'une mise au banc. Elle a été répudiée par son pays et par le monde, et elle a fini par s'intéresser à la plongée sous-marine, en grande partie comme pour tourner le dos à l'humanité. Donc c'est très, très, très rare qu'on connaisse quelqu'un qui a pu connaître à la fois les sommets de la célébrité, du culte de la célébrité, ouais, et aussi l'infamie la plus totale, mais c'est le cas de Leni Riefenstahl. Alors, elle en arrive comment, Leni Riefenstahl, à faire du cinéma? Elle s'intéressait d'abord à la danse, à l'athlétisme, aux grandes dames de son père, qui ne voulait pas qu'elle se lance là-dedans, et elle l'a défiée, démontrant à ses jeunes une capacité assez surprenante à tailler, à tracer son propre chemin. Mais très vite, dans sa carrière de danse, qui commençait bien, elle s'est blessée sérieusement. Et c'est là que tout d'un coup, elle a commencé à s'intéresser au cinéma et qu'elle est devenue une vedette d'un sous-genre typiquement allemand qui s'appelle le Bergfilm, le film de haute montagne, en particulier à travers un film qui s'appelle La montagne sacrée d'Arnold Fanck, avec qui elle va tourner beaucoup d'autres films de montagne. Et c'est très drôle quand on voit ces films-là aujourd'hui, parce que ce sont des films sur le culte du dépassement, une certaine pureté originelle, le besoin d'ascension vers une forme de spiritualité, quelque chose de plus grand. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et elle incarnait très bien ce type. Adolf Hitler dira plus tard qu'elle était la parfaite femme allemande. Ouais. Donc, c'est assez drôle parce que ça, c'est avant Hitler, c'est avant le nazisme, mais elle incarne physiquement et dans les rôles qu'elle choisit, une volonté du dépassement. Elle fait ses propres cascades, elle est très acrobatique, ouais, elle est très volontaire et c'est la première manifestation très concrète de son ambition délirante et vertigineuse. Donc, actrice d'abord, mais ensuite, elle va commencer à co-réaliser, puis elle va glisser vers la réalisation. Comment en vient-elle à devenir la cinéaste du Troisième Reich, à tourner Le triomphe de la volonté, ce film sur le congrès du parti nazi à Nuremberg en 1934. On écoute un extrait du film, puis le cinéaste Rémuller, dont je parlais à l'instant, à l'émission Dimanche Magazine en 2002. Elle prétend à ses jours qu'elle n'a pas voulu le faire. Il fait voir qu'à l'époque, elle était déjà très célèbre en Allemagne comme actrice et en plus comme metteur en scène. Donc, de faire un documentaire sur une assemblée de partis, ce n'était pas intéressant pour elle. Bien sûr, elle était flattée que Hitler lui-même lui a proposé de faire ce film parce que Hitler voulait un artiste. Il ne voulait pas un homme de parti. Et finalement, elle n'a pas pu dire non. Au début, comme elle raconte, elle a donné ce boulot à un copain, un documentariste, mais quand Hitler l'a su, il était furieux, il a insisté qu'elle le fasse. Et finalement, la tragédie de sa vie était qu'elle a fait trop bien. Ce film est devenu célèbre. Et finalement, on lui a reproché de glorifier Hitler. Et ce film, effectivement, elle le fera très bien, Le triomphe de la volonté, Georges Privet, avec le film qu'elle fera aux Jeux olympiques de 1936, Les dieux du stade, c'est les deux grands films de Leni Riefenstahl. Parlons d'abord de celui-là, Le triomphe de la volonté. On fait face à quoi quand on regarde ce film? Qu'est-ce qui appartient dans ce film au documentaire? Qu'est-ce qui appartient dans ce film à la pure propagande? Je serais tenté de vous dire que l'ensemble du film appartient à la pure propagande. Hitler est un grand passionné de cinéma. Aux grandes dames de ses invités, d'ailleurs, qui devaient se farcir au cours d'une soirée après un souper, un film ou deux ou même trois. Ouais. Il aimait beaucoup même certains films qui étaient interdits déjà à l'époque en Allemagne, comme les films de Walt Disney, étrangement. Et il était très conscient du pouvoir, de la force de propagande du cinéma. Il en a même parlé au New York Times en 1933, disant « Je compte me servir du cinéma comme instrument de propagande ». Mais il était aussi assez intelligent, comme Goebbels, pour savoir qu'un film de pur film de propagande n'est pas vraiment intéressant pour le spectateur, qu'il faut qu'il y ait une autre dimension, une dimension artistique. Ouais. C'est ce qui l'a beaucoup séduit chez Leni Riefenstahl, qui a en retour demandé des moyens délirant. Oui. Je veux dire, un très grand nombre de caméramans, savant 40 ou 50, dépendant de qui on lit. Et ce qu'il faut savoir aussi, qui fait que c'est vraiment un film de propagande, c'est que contrairement à ce qu'elle a déclaré plus tard dans sa vie, elle n'était pas qu'une documentariste qui filmait un événement qui se serait déroulé de toute façon. Le congrès du Parti national-socialiste en 1934 a été conçu vraiment comme un film, en termes de mise en scène. Albert Speer avait fait les décors en termes cinématographiques. On prévoyait où les seraient les éclairages, caméras. Absolument. Et elle était partie prenante dans tout ça. Elle l'a écrit elle-même dans un texte qu'elle a écrit dans un livre qu'elle a écrit en 1935 sur le tournage du film, où, contrairement à ce qu'elle déclarera plus tard, elle affirme avoir présidé à toutes ces décisions-là avec l'équipe de décoration, entre guillemets, du film. Donc, tout a été soigneusement mis en scène. Ouais. Certains discours ont même été repris par la suite pour le bénéfice des caméras. Donc, on est loin de l'équipe de l'ONF dans les belles années qui débarque avec une petite caméra. On est très loin du cinéma direct ou du cinéma vérité. On est vraiment dans une mise en scène quasi hollywoodienne. Puis, il faut dire que le cinéma allemand, à l'époque, était second seulement au cinéma hollywoodien. Donc, il y avait des moyens techniques extrêmement impressionnants, et elle en a bénéficié au maximum. Son autre grand film, c'est celui qu'elle tourne pendant les Jeux olympiques de Berlin en 1936, Les dieux du stade. Que dire de ce film-là, Georges Privet? Puis comment il se compare, par exemple, au Triomphe de la volonté? Bien, quelqu'un avait dit, et je pense que la formule est très juste, que le Triomphe de la volonté avait été fait pour vendre Hitler à l'Allemagne et que Les dieux du stade avait été fait pour vendre Hitler au monde. Je pense que ce n'est pas faux. Les deux films ont bénéficié, là encore, de moyens immenses. Contrairement à ce que beaucoup de personnes affirment, en revanche, il y a une chose qui est très discutée en ce moment, c'est le degré d'innovation que Leni Riefenstahl a amené. Beaucoup d'historiens du cinéma disent que, essentiellement, tout ce qu'elle a fait, c'est peaufiner et pousser un plus grand degré de développement technologique, beaucoup d'inventions qui avaient déjà été créées avant par des gens comme Eisenstein. D'ailleurs, le cinéma de propagande allemand s'inspirait beaucoup du cinéma de propagande russe. Donc, ça, c'est questionnable. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était obsédée par l'idée du mouvement. Oui. Traditionnellement, le film de propagande était statique, le documentaire de propagande était statique. Elle était obsédée par l'idée du mouvement, une caméra toujours en mouvement. Dans Les dieux du stade, elle a même fait concevoir la première caméra sous-marine. Il y avait des caméras sur des espèces de catapultes pour suivre les coureurs en action. Là aussi, beaucoup de choses ont été refaites après le tournage. Elle a vraiment fait refaire certaines prises, certaines performances athlétiques aux athlètes, ce qui explique que dans certains plans, on voit que les gradins sont déserts. C'est vraiment, là encore, une mise en scène, au service du beau. Ouais. Leni Riefenstahl dira toute sa vie qu'elle n'était pas vraiment consciente de la dimension politique, mais qu'elle était captivée par le beau. Ouais. Et c'est très possible parce qu'elle a une vision très particulière, très épidermique, très classique du beau, qui fait que ça prime sur tout le reste. Et l'un de ceux, dans ces Jeux olympiques de 1936, qui apparaissent aux yeux de Leni Riefenstahl comme faisant partie de cette beauté, et on en reparle dans un instant parce que c'est pas rien, ça va indisposer considérablement Hitler, la place qu'aura au cours des Jeux et dans le film de Riefenstahl, Jesse Owen. Oben fliegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owen. Jesse Owens sera évidemment, se démarquera, ce sera un dieu du stade dans ces Jeux olympiques de 1936. Il fait partie du film de Leni Riefenstahl. Non seulement il en fait partie, vous disiez, Georges Privet, elle demande parfois à refaire des plans. Elle va demander à Jesse Owens de refaire un saut en longueur pour pouvoir le filmer en contre-plongée. Ça nous dit quoi? Évidemment, ça rendait le fait qu'un Américain, un Noir, batte la puissance allemande, ça rendait furieux Hitler. Le fait que Jesse Owens soit intégré et qu'elle l'exploite comme elle le fait dans son film, ça nous dit quoi sur la liberté qu'elle... Est-ce qu'elle faisait le film qu'elle voulait sans contrainte aucune? C'est une excellente question. Il serait intéressant de pouvoir y répondre de manière catégorique, mais je pense que c'est impossible. Ce qui est clair, c'est qu'elle avait une marge de manœuvre très grande parce qu'Hitler lui vouait une admiration certaine et aussi parce qu'elle entretenait une relation très proche avec Hitler. Proche jusqu'à quel point, c'est difficile de le dire. Il lui avait acheté une maison où il pouvait débarquer quand il le voulait. C'est clair qu'il avait du désir, de l'attirance physique pour elle. Jusqu'à quel point c'est allé, personne ne peut le savoir. Mais il est clair que Leni Riefenstahl est quelqu'un qui était obsédé par la célébrité et rencontrait les gens puissants et influents. Ouais. Stephen Back, dans le portrait qu'il a fait d'elle, dit que dès qu'elle entendait parler de quelqu'un, un homme généralement qui tenait un poste important, elle disait « je dois absolument le rencontrer ». Et il y a des longues pages qui sont consacrées à ses activités romantiques, érotique, sexuelle. Elle avait une vie, sur ce plan-là, extrêmement active. Et donc, probablement, donc, une assez grande liberté C'est clair que cette histoire de Jesse Owens déplaisait souverainement Hitler. Mais Hitler s'est un peu lavé les mains des Olympiques. Hein. C'est quelque chose qui l'embêtait profondément. Il s'en était pas caché. Et en même temps, c'est vrai que Leni Riefenstahl a souvent évoqué dans sa défense le fait qu'elle était attirée par le beau. Et comme disait Susan Sontag dans un essai historique qu'elle a fait sur Leni Riefenstahl qui s'appelle « Fascinating Fascism », les trois grandes périodes de la vie de Riefenstahl sont obsédées par cette poursuite du beau, mais un beau idéalisé, épidermique, un peu dans le sens grec du terme, où il y avait toujours l'obsession d'une pureté physique, de spécimen physique idéalisé. Et Owens, c'est ça. Et Owens, c'est ça. Donc, Owens... Même s'il est noir, c'est ça. C'est même s'il est noir, c'est la pureté physique, la grâce incarnée. Et ça, ça vient dans les trois grandes phases de sa carrière, dont on parlera peut-être un peu plus tard. C'est vraiment une constante. Donc, sur ce plan-là, elle est très fidèle à elle-même, même si elle défie Hitler. Et donc, oui, elle témoigne, ça témoigne du fait qu'elle a certainement une marge de manœuvre assez importante. Oui. Et un Goebbels, par exemple, qui est maître de la propagande, il la laisse faire le film qu'elle veut en 36 ou autrement? Elle s'était plaint à plusieurs reprises que Goebbels interférait avec ses plans. Elle s'en est plaint à Hitler. Très rapidement, elle n'a plus de problème. Donc, c'est ça. La relation qu'elle avait avec Hitler, on ne la connaîtra jamais, mais c'est clair qu'elle avait droit à plein de passe-droits. Ouais. Parce que Goebbels régnait en seigneur et maître sur tout ce qui était le cinéma pendant de 1933 à 1945. Ouais. Tout. Il était le censeur absolu. Il n'y avait pas de critique de cinéma, il n'y avait pas de studio de cinéma. Tout le monde craignait le crayon vert de Goebbels qui passait au peigne fin les scénarios. Ses décisions étaient finales. Ouais. Donc, pour pouvoir outrepasser la volonté de Goebbels, il fallait qu'elle ait une relation vraiment extraordinaire avec Adolf Hitler. Alors, parlons-en de cette relation avec Adolf Hitler, mais plus largement du poids qu'a Leni Riefenstahl dans cet appareil du Troisième Reich. Je vous propose de l'écouter. Extrait de l'émission « Les Jeux olympiques, reflet de l'histoire » diffusée en juin 1976. Mes collègues étaient jaloux. Ils pensaient que j'étais la protégée d'Hitler. Ça n'était pas ça. Je n'ai pas eu tellement de contact avec Hitler. Il admirait mes films, ça c'est vrai. Artistic life. He has admired my films. This is true. I was not the Pompadour. Je n'étais pas la Pompadour du Troisième Reich. I was not the angel of the 30s. Je n'étais pas l'ange des années 30. All this fantasy. Yes. I was a film director. J'étais seulement un metteur en scène. Ce qu'on entend, Georges Privet, ça fait partie aussi de la fascination autour de ce personnage de Leni Riefenstahl, c'est l'habileté qu'elle a, à quel point, et quand on lit autour d'elle, à quel point elle noie le poisson, à quel point tout se dit autour d'elle. C'est absolument incroyable, parce qu'elle se contredit elle-même dans ses propres mémoires, c'est-à-dire qu'elle a publié en 87 ses mémoires qui font 700 pages. Et où elle parle souvent de ses rencontres avec Hitler, qu'elle était proche d'Hitler. Alors que là, tout à coup, lorsqu'on vient d'entendre... Là, tout d'un coup, je l'ai comme croisé une fois ou deux. Bon, et Goebbels, dans ses journaux aussi, parle de l'extrême proximité de Leni Riefenstahl au Führer, à Goebbels, à tout le monde. Donc, et Albert Speer aussi témoigne du fait qu'elle était arrivée à s'imposer dans ce monde d'hommes. Donc, c'est clair qu'elle avait, elle avait une place à part et qu'elle n'était pas, si vous voulez, une figure marginale dans la structure du Troisième Reich. Donc, un poids certain dans cette structure sur l'idéologie nazie, sur même la solution finale par rapport à la question juive. Autre grande question, jusqu'à quel point adhère-t-elle à tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elle qui a d'abord sollicité Hitler. Elle l'a vu en février 32 pendant donner un discours et elle lui a écrit. Et la description qu'elle fait de sa performance électrisante et tellurique, on a l'impression d'un choc existentiel. Je peux pas vous lire ce qu'elle en écrit, mais c'est hallucinant. C'est la perfection faite homme, littéralement. Elle dit il y a autour de lui des gens imparfaits, mais lui est parfait. Et elle noue très vite une relation très proche qu'elle va entretenir toute sa vie, même pendant la guerre, quand il arrive dans Paris conquis. Elle lui envoie un télégramme incroyablement extatique, ouais, admiratif sur cette dernière prouesse. Donc, jusqu'à quel point elle a embrassé au-delà de l'homme ses idées, c'est clair qu'elle a dénoncé des collègues qui étaient juifs. Elle en a fait arrêter. Sur la question des camps, il y a des éléments assez accablants. Il y a des éléments très accablants. Elle va utiliser des prisonniers pour certains de ses films. C'est ça, pour son dernier long-métrage qui s'appelle Tiefland, où elle avait besoin de Tzigane. Elle est allée chercher des figurants roms et sinti dans un camp de concentration qui ont participé, malgré eux, à son film et qui, une fois le tournage terminé, sont retournés à Auschwitz. Oui. Et elle le savait, elle les a choisis personnellement. Pendant la guerre, elle faisait un reportage en Pologne et elle assistait au meurtre de 30 Juifs. Donc, elle était au courant, ouais, de ce qui se passait. Évidemment, elle a nié tout le reste de sa vie. Mais à la fin de la guerre, il y a eu 4 procès, 4 enquêtes. Finalement, on a déclaré un non-lieu au bout de ces 4 enquêtes. On l'a relégué au rang de suiviste, qui était le grade le plus bas, le, ouais, moins offensif, si vous voulez, de la hiérarchie des collabos, mais faute de preuves. Ouais. Lorsqu'elles sont sorties, comme dans le cas de Tiefland, au début des années 90 ou à la fin des années 80, c'était une vieille dame, et je, ouais, pense que tout le monde a décidé de ne pas poursuivre davantage la chose. Un mot sur ce qui sépare cette défaite allemande à la Deuxième Guerre mondiale et cette vieille dame que vous évoquez. C'est cruel, mais en, je sais pas, en une minute, qu'est-ce qui se passe pour elle après la guerre? Ce qui se passe pour elle, c'est qu'elle se tourne vers la photographie. Elle fait des photos des Noubas de Ko au Soudan. Deux livres de photos qui lui valent une très grande admiration. Il y a un début de réhabilitation parce qu'on commence à avoir des festivals de films de femmes. Ouais. C'est, mine de rien, une des plus connues dans le monde. Elle a deux films, les deux films qu'on évoquait plus tôt, qui sont sur la liste des 100 plus grands films de tous les temps. Il y a un début de réhabilitation qui fait beaucoup jaser. Hollywood envisage de faire un film sur elle avec Jodie Foster, mais le projet n'aboutira jamais. Et elle fait mentir constamment la notion de justice immanente parce qu'elle va vivre jusqu'à l'âge de 101 ans. Elle, mmh, va mourir tranquillement dans son lit. Elle va témoigner d'une résistance, d'une résilience physique incroyable. Elle va même survivre à un accident d'hélicoptère qui va tuer son pilote à l'âge de 98 ans. Elle était littéralement increvable. Et juste cette survie attira l'attention de beaucoup de gens. Elle aura fait des reportages photos sur Mick Jagger, sur toutes sortes de sujets. Et elle viendra à Montréal, où Jean-Claude Labrecq la rencontrera, comme beaucoup de gens. Donc, elle a mené une vie très active. Et elle est largement arrivée à faire oublier le spectre de son implication assez fondamentale. Ouais. Dans le système nazi. Même si, où qu'elle passe, et ça a été le cas en 76, il y a des manifestations. Ah, c'est sûr, c'est toujours sûr. Georges Privet, c'était fascinant. Merci beaucoup. Au plaisir. Georges Privet, chroniqueur cinéma à l'émission Médium Large, entre autres, à la Revue L'Inconvénient aussi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.